tue-tête. Sur la plaine. Au dedans, tout était fermement mort. Tout le temps nécessaire, s'il fallait arracher un peu. Blond et blanc et noir et offert aussi. Non, c'est boule. Cette lugubre évocation. Rafraîchie. La mouche pondrait, viendrait les vers à tour de rôle. Justement sorti de ce reine over. Là, sur le chemin. 8 jours de jambes, cœur, œil, des pieds roses, d'où jaillissaient les plantes, des plantes, des bandaines, dorées, nimbées, debout, blessées. Thank you. De refuser ces présents périmés. Ces présents périmés ne vivaient que par la grâce de cette main ou de quelques denrées de même acabit. Un de ces oubliés de l'amour s'était consolé à jouer les sons mélodieux de la voix en furie. La musique n'était pas pour caresser dans le sens du poil. Il n'avait pas été laissé au fond du puits. On avait besoin d'égayer les ossuaires. La régime de bec salé enfouit une aigreur d'estomac. Il s'accordait pour en accuser la qualité de ce qui variait leur menu. Le système au cochon. Un port s'élevait chez tous. Tous savaient qu'un jour, l'un serait mis dans l'autre, se retrouverait, courrait sur un bras. Faites-moi, besoin. Qui aurait toutefois de profiter. Le visage lerné. Une petite bête. Qui ne devait les couleurs farine de terre. Et autre poudre. De peau. Était bien obligé de manger des crabes gris qu'il s'emplissait de blanches et de papillons d'une main en terre des kilos dans le coco de leurs denrées des pleines lessieuses. Thank you. Okay.